Je ne regrette rien, ni la vie, ni le jour. Oula, c'est aigu. les problèmes. Mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blanc. Si tu me le demandais, j'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune. Putain, y'en a un qui est fort, c'est qui? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis perdu. J'ai un problème. Ah, j'ai compris. Le ciel bleu bronze. Le ciel bleu peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe, oula, si tu m'aimes, je me fous quand tu es. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous ta jazz bass, peu m'importe les problèmes, mon amour, quand tu joues de la basse. Oh yeah. Oh yeah. Vous voulez jouer quoi? Si un jour thank you. Thank you. Thank you. Thank you.